ne m'en dites pas plus, halte là. Sur mon âme, mon cousin, en ceci, voilà mon sentiment. Celui qui bassement et tortueusement se venge, ayant le droit de porter une lame, noble par une intrigue, homme sur une femme, et qui, né gentilhomme, agite un alguazil, celui-là, fut-il grand de Castille, fut-il suivi de cent clairons sonnant des tintamarres, fut-il tout harnaché d'ordres et de chamarres, et marquis et vicomte et fils des anciens preux, n'est pour moi qu'un maraud sinistre et ténébreux, que je voudrais, pour prix de sa lâcheté vile, voir pendre à quatre clous au gibet de la ville. César, n'ajoutez pas un mot, c'est outrageant. Il jette la bourse aux pieds de Don Salluste. Gardez votre secret et gardez votre argent. Oh, je comprends qu'on vole et qu'on tue et qu'on pille, que par une nuit noire, on force une bastille d'assaut, la hache au poing, avec cent flibustiers, qu'on égorge estafiers, geôliers et quichetiers, tous taillant et hurlant, en bandits que nous sommes, œil pour œil, dent pour dent, c'est bien, homme contre homme. Mais doucement détruire une femme, et creuser sous ses pieds une trappe, et contre elle abuser, qui sait, de son humeur peut-être hasardeuse, prendre ce pauvre oiseau dans quelque glu hideuse. Oh, plutôt qu'arriver jusqu'à ce déshonneur, plutôt qu'être à ce prix un riche et haut seigneur, et je le dis ici pour Dieu qui voit mon âme, j'aimerais mieux, plutôt qu'être à ce point infâme, vil, odieux, pervers, misérable et flétri, qu'un chien rongeant mon crâne au pied du pilori. Cousin, de vos bienfaits je n'aurai nulle envie, tant que je trouverai, vivant ma libre vie, aux fontaines de l'eau, dans les champs le grand air, à la ville, un voleur qui m'habille l'hiver, dans mon âme, l'oubli des prospérités mortes, et devant vos palais, monsieur, de larges portes, où je puis, à midi, sans souci du réveil, dormir, la tête à l'ombre et les pieds au soleil. Adieu, donc. De nous deux, Dieu seul, quel est le juste? Avec les gens de cour, vous pareils, Don Salluste, je vous laisse, et je reste avec mes chenapans. Je vis avec les loups, non avec les serpents.